que je suis zéro, que je suis un veau. Elle me dit que je suis zéro, que je suis zéro, que je suis un veau. Ah oui, je sais bien, je glande rien, je fous rien, je fume des joints. Je suis allé sur le sofa et... Que je suis zéro, que je suis zéro, que je suis un veau. Elle me dit que je suis zéro, que je suis zéro, que je suis un veau. Ah ouais, je sais bien, je glande rien, je fous rien, je fume des joints. Je suis étalé sur le sofa et... Quel choc, elle est partie maintenant, sans perdre d'or.